les bijoux diamants, ni les jolis bateaux, la vie château. Pas besoin de faire grosse affaire, toute l'eau qui sur la terre. Antigeste vraiment, fais-moi content. Merci, bonjour, doudou. Les bisous, carrefour. Parole guine, chalet. L'homme n'est tendé. Pas vini, mon yes ou bas. Avec moi, ça va pas. On peut parler fini. Yo ni tout ça qu'il faut, tant doit ça si vous.